cheveux noirs, tant que je ne peux en trouver, tant que c'est une chose rare de changer une fleur fanée, tant qu'il vaut mieux savoir que je n'ai pas de liberté, tant qu'il n'existe que l'espoir, je m'attacherai. Tant que tu as ton sens de l'humour, tant que tes yeux se sourirent, tant que tu as ce sens de l'amour, tant qu'il nous reste ce désir de s'apporter tout ce qui nous entoure, de plaire et de voir se contredire, tant que tu es tour à tour, tendre, enfermé, je m'attacherai. Tant que l'on se sent très proche et de plus en plus lié, tant qu'on aura cette force, même en étant éloigné, tant que tu auras ta caboche, je ne saurai te dompter, tant qu'il brûlera cette torche, je m'attacherai. Si après toutes nos découvertes, après tout ce temps passé, si après cette fleurette, après avoir évolué, nous aimons les mêmes paysages, les mêmes choses, la vie, je sortirai de cette cage, c'est avec toi que je construis.